Donne-moi ce que je méritais plus, il me faut plus qu'un paquet. Je sais pas compter les mesures, mais j'ai compté ma SACEM. Sevran Bodo, je reviens de loin comme Marco Polo. Je remonte chez WAM, c'est pas mon sang sur mon polo. J'ai deux, trois humains qui peuvent faire le sale boulot. Histoire de liquide qui finit la tête sous l'eau. Ouais. L'image d'un riche qui se fait braquer par un pauvre. L'image de 100 kills de coca dans une gauve. Major indé, majeur index, je fais des loaves. Ils sont remplis, chez moi ça tourne, je fais des loaves. Je vends la moulage béton, je fais cure fusilier. Y'a le T-Max dans le rétro, tu finis fusillé. Y'a que 10 km qui me séparent de l'ouvreuse. Plus je monte, plus je me dis que la chute sera douloureuse. Un mensonge répété ne devient pas vérité. Je suis dans le bâtiment printemps, hiver, été. Trou du cul, prends pas tes rêves pour réalité. Y'a que tes cauchemars qu'on pourra réaliser. Donne-moi ce que je méritais plus, il me faut plus qu'un paquet. J'sais pas compter les mesures, mais j'ai compté ma SACEM. J'fume un ennemi, j'm'en vais loin comme Marco Polo. Bobo sauvran, j'me fais courser par les poyos. J'suis assoiffé, j'ai pris la bouteille au goulot. Je les ai vus parler fort puis partir en courant. J'ai changé billet moutarde en billet mauve. J'suis pas un nouveau riche, j'suis un ancien pauvre. 2-7-0, peux être héros, j'fais des loves. Y'aura pas de sentiment, pas d'histoire de love. 2-3 contacts, un arrivage de Serbie. 2-3 chargeurs, des meurs qu'on pas servi. Si tu fais le blindé, on va te lever tôt des lobes. Ils sont remplis de chez moi, ça tombe chez des loves. Bon qu'à pointer, je les laisse parler entre pookies. J'ai vu des hommes se comporter pire que des groupies. Savoir est une arme, j'ai 3 calaches abrutis. Ça peut venir t'allumer ta mère comme un Brooklyn. Donne-moi ce que je méritais plus, il me faut plus qu'un paquet. J'sais pas compter les mesures, mais j'ai compté ma SACEM.